Ok. TK 1-3. Nigga. Nigga. Prends le premier bloc. Les poursuites en choc. Amigo va sur le terrain. Tout est risqué, mine de rien. Cherche le chemin à PR1. Tu repères vite les pantins. J'étais à nous à donner des leçons. La vie est facile en caisson. Le diable amène des boissons. J'en ai choqué au check-son. Cherche une raison, pose des questions. La vie n'est qu'une location. Passer du plus fou à l'intello. Ils m'ont vu prendre le micro. Une entrée fracassante. À température ambiante. J'suis dans le bain, c'est pas du genre sécu. Alarmé quand t'as trop bu. Des cafés, pas de rébus. Mais il fait des métarues. J'suis le loup solitaire. Traîne à six pieds sous terre. Il prononce tellement mon blaze que j'suis connu en enfer. Info de fou, récapitulons. Une équipe, mon bras en gilon. Tu veux le gros frère, et ouais mon frère. Mais la tôle, plus sa mère. À travers la visière. Des inconnus visent le cimetière. Petites affaires, on vise gros. Attention, on risque gros. Le faux devient ton objectif. Et le temps s'écoule quand tu spliffes. Du pif, transpirons. La bœuf est bonne, respirons. MC lyrical et la pression. Elle réclame ton attention. Giro égale un frein à main. Obsédé par ses catins. Une arme égale un fantassin. Même la maçon m'écrin. L'air de rien, je suis très malin. M'identifie pas au parrain. Une arme égale un fantassin. Même la maçon écrin. L'air de rien, je suis malin. M'identifie pas au parrain. Ok. En théorie, passe pas à la pratique. Nigga, nigga. Yeah.